Leur religion était et est encore celle des chrétiens grecs, mais mêlée de superstitions auxquelles ils étaient d'autant plus fortement attachés qu'elles étaient plus extravagantes et que le joug en était plus gênant. Peu de moscovites osaient manger du pigeon, parce que le Saint-Esprit est peint en forme de colombe. Ils observaient régulièrement 4 carêmes par an, et dans ces temps d'abstinence, ils n'osaient se nourrir ni d'œufs ni de lait. Dieu et Saint Nicolas étaient les objets de leur culte, et immédiatement après eux, le tsar et le patriarche. L'autorité de ce dernier était sans bornes, comme leur ignorance. Il rendait des arrêts de mort et infligeait les supplices les plus cruels, sans qu'on pût appeler de son tribunal. Il se promenait à cheval 2 fois l'an, suivi de tout son clergé en cérémonie, et le peuple se prosternait dans les rues, comme les Tartares devant leur grand lama. La confession était pratiquée, mais ce n'était que dans le cas des plus grands crimes. Alors, l'absolution leur était nécessaire, mais non le repentir. Ils se croyaient purs avec la bénédiction de leur pope. Ainsi, ils passaient sans remords de la confession au vol et à l'homicide. Et ce qui est un frein pour d'autres chrétiens était chez eux un encouragement à l'iniquité. Ils faisaient scrupule de boire du lait un jour de jeûne. Mais les pères de famille, les prêtres, les femmes, les filles s'enivraient d'eau-de-vie les jours de fête.